Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Comptoir du Cercle. On est ravis de vous retrouver pour notre podcast mensuel. Hein. Comme vous l'avez compris, on est le 1er septembre, donc début de mois, c'est nous que revoilà. On va donc aborder quelques sujets aujourd'hui, comme d'habitude. Et on retrouve l'équipe de choc avec d'abord Kylvan. Salut. On a Mei-chan. Hello. Et on a le doyen Père Chapi. Bonsoir mes enfants. Bonsoir à tous, bonsoir, et puis moi-même Vinchiré, évidemment. Donc ce soir, comme vous l'avez vu sur le titre, on va se faire un petit podcast de discussion autour des jeux de baston, tout simplement parce que ça intéresse plusieurs d'entre nous, et il y a également des évolutions assez majeures depuis qu'on a commencé à jouer aux jeux de baston, et... à l'intérieur même du milieu du jeu de baston, je crois qu'on est depuis quelques années vraiment dans une transformation, pas forcément pour le bien, on va le voir. En tout cas, voilà, on va vous proposer un podcast d'une heure, donc avec une discussion autour du jeu de baston dans une première partie, et puis après, ce sera autour de Chapi ou moi, on va faire une équation non booléenne pour les sujets de tour de table. Alors, donc, on va commencer cette émission autour des jeux de baston. Alors, comme je le disais, on a eu envie de faire cette émission parce que, d'abord, on est intéressé par le genre, à titre personnel. Alors, je sais pas, Mei, t'es peut-être la seule qui a le moins joué aux jeux de baston, ou peut-être Chapi, je sais plus. Voilà. Ouais, c'est vraiment de manière occasionnelle, hein. Pour moi, il n'y a pas d'enjeu particulier. Hein. Voilà, et Chapi, c'est sans manière. Sans manière. Moi, je suis officiellement ton sac d'entraînement, en fait. Mais non, mais oh, ne dis pas ça, Chapi, ne dis pas ça. Voilà, bon, Kylvan, toi, t'as plus dosé les jeux, tu es... Bon, j'ai joué à un peu tout ce qui est sorti, après, ça dépend ce que t'appelles jouer, quoi. Tu as mis les mains sur les jeux, quoi. Voilà, et puis moi, c'est pareil, j'ai joué un peu tout ce qui est sorti depuis 10 ans, et je suis un joueur invétéré de 2X. Donc, voilà, alors, pourquoi on fait ce débat ? Bon, après, on va voir, les avis vont diverger, mais c'est d'abord pour parler un petit peu du statut que le jeu de baston a en ce moment et de la direction que les développeurs veulent donner au jeu de baston. On va parler d'abord du premier aspect, c'est le statut e-sport du jeu de baston, puisque vraiment depuis, on va dire depuis 3-4 ans, et ça a vraiment augmenté avec la Capcom Cup, on assiste quand même à une orientation clairement e-sport du jeu de baston, là où avant on avait certes une très très bonne organisation de tournois. C'est vrai que ça fait maintenant 15 ans, je sais plus de quand date l'Evo d'ailleurs, même Battle by the Bay avant, l'ancien titre de... Franchement, ça fait au moins 15 ans. Voilà, au moins 15 ans. C'est vrai que bon, voilà, ça a toujours été un style sérieux avec des joueurs qui sont impliqués, mais aujourd'hui on se retrouve avec vraiment une structuration des cash prize très conséquents, et surtout voilà, tout ce qui est attirail, pub, sponsoring. Il y a peu de joueurs qui en vivent, mais il y en a quand même. Et donc du coup, c'est vrai que c'est une direction qui suit ce que suit le jeu vidéo global. Hein. Je pense que c'est un secret pour personne. Si vous regardez les jeux vidéo qui marchent en ce moment, c'est les jeux vidéo compétitifs à tort et à travers. Mais voilà, le jeu de baston essaye de poursuivre cette tendance. Alors une question que je vais poser, donc est-ce que pour vous déjà cette tendance, est-ce qu'elle est souhaitable pour le jeu de baston, et si oui, est-ce que la communauté de jeux de baston, les instances, est-ce qu'elles réussissent leur pari de transformer le jeu de baston en des événements e-sport? Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans la conversation? Donc Kylvan, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur la question? Je vais commencer par le pari, la partie pari de la question. Et pour moi, le pari est à moitié réussi. C'est réussi dans les qualités et la quantité des tournois. On va dire qu'on réussit aujourd'hui en fait à avoir une qualité moyenne de retransmission des différents tournois qui est acceptable. Il n'y a plus trop de tournois streamés à l'arrache avec un stream en 360p. Mais je trouve que en fait ils n'ont fait en fait que mettre le standard des bons tournois d'avant dans, à tous les tournois, plutôt que vraiment révolutionner la façon dont, dont le, les tournages de combat en fait sont retranscrits. En fait, là, on a juste enfin, en gros une qualité stream propre. C'est très rare qu'on ait deux streams, loser, winner. Il y a rarement, je sais pas, deux scènes par exemple où on peut suivre des matchs différents. Il n'y a pas de vraie priorisation des matchs, à part peut-être dans les tournois américains. Ou peut-être. Non, pas, franchement, même. Enfin, il y en a, oui, mais c'est vrai que ça reste très marginal. Il n'y a pas ce genre de choses, donc on peut complètement. En gros, c'est vraiment toujours à la bonne franquette. Tu t'assois sur le stream et puis tu peux avoir random 1 contre random 2 et pendant qu'en pool t'as, je sais pas, Mago contre Momochi et puis voilà quoi. Donc cette partie là en fait je trouve que c'est pas une franche réussite en fait. Je pense que si tu regardes un Evo, enfin tu regardes l'Evo 2010 ou l'Evo 2011, bah, concrètement, tu regardes un tournoi du Capcom Pro Tour. À part la qualité vidéo qui a augmenté du fait de, ben, voilà, de la technique, des connexions un peu partout, pour moi, c'est retransmis de la même façon. Quoi. Ouais, t'as deux commentateurs, t'as les matchs au pif, et voilà. Quoi. Donc cette ouais, partie-là, moi, je trouve que c'est un peu foiré. Alors, tu compares à une retranscription d'un jeu comme League of Legends, on est à des années-lumière. Quoi. Après, est-ce que c'est souhaitable? Bah oui, enfin, c'est... Ce serait souhaitable qu'ils arrivent à trouver un truc un peu innovant pour faire s'intéresser plus de gens aux jeux de combat, mais vu le style de niche que c'est, j'avoue que même moi, en me posant la question, je vois pas ce qu'ils pourraient faire en fait pour améliorer les retransmissions. Enfin, à part voilà, prioriser les matchs pour montrer les matchs plus intéressants, mais ça doit être une horreur pour les orgas quoi, et potentiellement qu'il y ait plusieurs streams, genre stream 1, stream 2, stream 3. Où tu peux regarder un peu des losers, un peu au pif, et que t'es pas obligé de regarder un seul stream, quoi. Ouais, alors c'est marrant que tu me parles de la technique, parce que du coup, alors moi, j'étais pas parti sur cet aspect, du coup, mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que ce que tu dis, c'est vrai, hein, moi, je me rappelle, parce que je regarde l'Evo depuis 2009, un truc comme ça, enfin, depuis que Street Fighter 4 est dessus. Le doublet de Daigo, quoi. Ouais, ah non, même d'ailleurs, non, j'avais même des DVD de 2007, je m'en rappelle. Enfin bref, c'est pas la question. Mais tu regardes, voilà, tu regardes les anciens niveaux, tu regardes par exemple la Capcom Cup. Pendant longtemps, ça a été un événement de référence au niveau technique. Je veux dire, tout était super bien mis en place. T'avais le Socal Regional aussi, qui était un tournoi multijeu qui était extrêmement bien organisé. Et c'est vrai que ce que tu dis, alors après, il y a quand même eu des améliorations. Je pense notamment à la E-League. Qui a une espèce de ligue de joueurs de prestige avec un vrai plateau, des vrais setups. Vraiment, on sent qu'il y a une. Voilà, il y a des commentateurs avec un montage qui est très bien fait. Le plateau est vraiment de grande qualité. Bon, après, ça reste que sur Street Fighter V, mais il y a quand même, une envie. J'ai suivi la première où Alioune était là, ouais. Mais j'ai pas suivi la suite. Mais bon, tu vois, il y a quand même un vrai setup, il y a une envie de rendre. Enfin, t'as l'impression même. Quand tu écoutes les commentateurs, enfin ça se voit que les mecs ils se freinent par rapport à ce qu'ils font d'habitude parce que justement ils doivent accéder aux standards que tous les autres commentateurs de jeux compétitifs ont, c'est-à-dire fermer sa bouche et surtout être le plus consensuel possible quoi. Mais c'est enfin ouais. Alors du coup, bon pour moi je suis d'accord avec toi sur ce principe. Pour moi, le problème du statut e-sport, du jeu de baston, c'est d'abord, ouais, comme tu disais, le problème de niche, mais aussi c'est le problème de jeu, quoi. C'est-à-dire que il y a une raison pour laquelle le jeu de baston a explosé ces 10 dernières années, c'est qu'il était soutenu par un jeu qui était bien. Je veux dire. Tu penses à Street 4 ? Oui. Ouais. Marvel 3 et Street 4. C'est les deux. Voilà, Marvel 3 aussi était un très très bon jeu, même si je jouais. Qui ont tenu la scène pendant. Voilà. Pendant, on peut dire ce qu'on veut sur Street 4. C'est, enfin, je veux dire, qu'on soit vétéran, nous les anciens, on a retrouvé des sensations qu'on avait sur 2X, avec des fois des côtés un peu sans pitié, des dégâts qui font mal, mais du zoning. À l'ancienne, et puis voilà, de l'accessibilité, la focus, tout ça qui permet à d'autres joueurs plus nouveaux de s'y mettre, et du coup c'est un jeu qui réussissait à aborder les différentes facettes et à agréger les différents joueurs. Aujourd'hui, on se retrouve avec Street Fighter V qui est... ça rigole déjà. Non, mais ce jeu, c'est une catastrophe. Hein. De toute façon, on va pas non plus se mentir. Que ce soit nous ou les joueurs pros, personne n'aime le jeu. Enfin, je veux dire, les joueurs pros. Alors d'ailleurs, si c'est un aspect que je voulais aborder, on en parlera tout à l'heure, mais les joueurs qui s'obligent à jouer à des jeux qu'ils aiment pas. Le Street Fighter V n'est pas un bon jeu. On s'emmerde. On le sait clairement. Il y a pas mal de joueurs, notamment japonais, qui ont arrêté le jeu parce que voilà, ça les fait chier, ou alors qui ne jouent plus au même niveau. Je veux dire, Mago, on le voit plus comme on le voyait avant dans les compétitions. Enfin, c'était tu vois, c'était un mec, tu le voyais absolument tout le temps. Là, cette année, tu regardes à l'Evo, Mike Cross, le mec, il vient à l'Evo, il joue même pas à Street Fighter V, et il l'a dit clairement, c'est un jeu de merde. Il y a des joueurs comme ça, enfin, Infiltration aussi a dit que le jeu était mauvais, hein. Sian aussi, Luffy, enfin, voilà, les exemples ne manquent pas, mais les joueurs sont obligés de rester parce que Street Fighter V, c'est le seul jeu de la Capcom Cup, et c'est le seul jeu qui te permet de vivre à peu près... Qui rapporte de la thune, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, je sais pas, d'ailleurs je vous pose la question, personnellement, est-ce que pour vous, comment est-ce que vous aborderiez le fait de jouer à un jeu que vous n'aimez pas, mais d'être obligé d'investir des heures par jour dedans pour être capable de vivre. Est-ce que c'est vraiment... Ça, c'est facile. Ouais. Vincent, est-ce que tu es prêt à faire un travail qui t'intéresse pas, sachant que ça va te permettre de gagner ta vie? Oui. Sous cet angle, ouais, non, mais oui, sous cet angle-là, Chapi n'a pas tort, mais enfin, je sais pas, moi, je trouverais voilà. Ça. Ouais. Non, mais généralement, ils ont pas le choix. Non, mais on sort quand même de ce cadre. N'oubliez pas que tous les joueurs japonais, déjà, ils ont des sponsors de tous les côtés. Ouais. Et, on n'en parle pas trop, mais Capcom glisse des billets, parce que là, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient daubé sur Street Fighter V. Maintenant, je vous mets au défi de trouver un japonais qui a daubé sur Street Fighter V, bizarrement. Oui, aucun commentaire négatif sur le jeu. Il y en a deux, mais c'était plus ça me plaît pas, moi, personnellement, dans mon style, plus que le jeu est mauvais. Ouais. Voilà. Il y a une bonne chance. Ça prend des pinceettes, parce que... Parce que Street Fighter V restera populaire tant que Capcom mettra de l'argent sur la table et sera le seul à mettre autant d'argent sur la table sur un jeu de combat, c'est tout. Oui, mais c'est pas un travail normal, quoi. Je veux dire, moi je peux aller à mon taf, faire mon boulot service minimum. Ouais, mais Daigo, tu veux qu'il joue à quoi d'autre? Il va jouer à des BZ Fighter là pour gagner 10 balles en terminant premier. Ouais, mais c'est, alors voilà, du coup on arrive à ce problème aussi, c'est que tant que la communauté était portée par des jeux qui étaient de qualité et qui mettaient à peu près tout le monde d'accord, je dis à peu près parce qu'évidemment on peut pas être tous d'accord sur des jeux, mais je veux dire que voilà, en tant qu'étendard, on sait aussi faire les choses et puis la fermer des fois, mais là vraiment quand le jeu est porté par un jeu médiocre, c'est difficile de faire monter la sauce. Alors je veux bien croire que la première année, en effet, qu'il y a eu l'Evo, enfin la première année où il y a eu Street Fighter V à l'Evo, il y a eu un nombre record d'inscriptions qui était dû à la nouveauté, mais même pas ça, les gens savaient en gros que c'était s'il y avait une année où ils pouvaient le gagner, c'était cette année-là, quoi, parce que il y avait moins de, le niveau était moins élevé, quoi. Après, moi, je me dis, Street 5, c'est de la merde, mais ça reste une franchise Street et ça a une portée, tu vois. C'est la licence, elle a un certain prestige. Donc, même si ton jeu, ça peut être de la merde, y a des gens qui vont suivre quand même, quoi. Alors oui, justement, tu fais le pont magique, May, parce que justement, là, j'ai vu un article sur Event Hubs, qui est un des sites américains de news, là, et qui faisait un article intéressant sur le fait que cette année, c'était finalement l'année de la transition où maintenant la communauté des jeux de baston ne vivait plus à travers justement un titre étendard. Et c'est vrai que. Oui, enfin, on peut dire, ouais. Mais c'est vrai que le succès. Je dirais pas inattendu parce que c'est pas le mot, c'est un peu fort, mais disons que le succès de Dragon Ball, et je pense pas par rapport à la licence, mais plutôt par rapport au fait que c'est un jeu Arc 6 et qu'il y a donc des mécaniques de jeux animés qui n'ont jamais plu au grand public. Enfin, je veux dire, les joueurs grand public n'ont jamais aimé Guilty Gear, BlazBlue ou des jeux comme ouais, ça. Ouais, c'est vrai, c'est toujours des jeux de niche. Voilà. Je confirme. Oui, voilà. Et donc du coup, et que pour une fois, ça, enfin les Herdash, les Chicken Guard, tout ça, ça leur plaise. On a un titre qui est fort et là qui vraiment commence à, enfin qui est même d'ailleurs là, maintenant largement à portée de Street Fighter V. Hein, c'est vraiment les deux titres en ce moment qui se tirent la bourre. Mais on a aussi des jeux à côté qui sont qui sont bien soutenus, quoi, j'ai envie de dire. Cette année, il y avait énormément de jeux à l'Animevo, notamment avec pas mal de participation. Et c'est vrai que on avait clairement l'impression que d'ailleurs, je crois que Street 5 n'était. Est-ce que c'était le dernier jeu présenté à l'Evo ? Je sais plus, cette année. Oui, c'était le main event. C'était le main event ? En termes de main event, oui, c'était Street 5. Ouais, d'accord, ok. C'est à 9h du matin dans l'horreur. Ouais, ok, d'accord, ça marche. Et donc, du coup, non, c'est, voilà, mais c'est intéressant parce que oui, maintenant, il y a plusieurs jeux qui portent les ambitions de la communauté des jeux de baston. Et du coup, ça va peut-être tirer les éditeurs vers le haut, justement, parce que si tu vois que tu commences à peser, enfin, moi, je parle de Arxis parce que là, c'est vraiment clairement l'exemple qui est tellement révélateur. Pendant des années où j'ai suivi BlazBlue, mais nous, joueurs européens et américains, mais on était les sacs à purin des Japonais, quoi. Enfin, je veux dire, on se tapait les jeux un an après. Les patchs, c'était... c'était inadmissible. Ah ouais, non, c'était... Ah bah oui. Enfin, voilà, c'était une catastrophe. Vraiment, c'était une catastrophe. Persona, on a eu Persona qui est presque plus populaire... qui était, enfin, pas, je vais, non, j'exagère, mais je veux dire qu'il y avait eu un grand élan de popularité en Occident, et on se tape le jeu de combat Persona, on se tape un an après, quoi. Voilà. Alors que, enfin, c'est ridicule. Ah ouais. Non, c'était vraiment scandaleux. Et donc là, du coup, je voulais l'acheter, j'avais annulé ma précommande et j'ai jamais joué. Du coup. Je suis même pas sûr que j'y ai joué une fois, moi non plus. Je suis pas certain. Moi, j'ai joué quand ils ont ressorti la Ultimax sur PS3. Ah oui, ok. Ouais, donc du coup, moi, voilà. Je partage pas trop votre enthousiasme. Je suis désolé, les petits enfants. je vois que ça s'est beaucoup touché la noue sur DB, sur Dragon Ball à l'Evo, quoi. Mais enfin, Dragon Ball, depuis que le jeu est sorti, donnez-moi les deux noms de mecs qui sortent du lot. Ouais. Vous allez voir, vous allez me sortir tous les mêmes. Oui, parce que c'est... Il n'y a que Goichi et Sonic hein, qui sont dessus. Hein. Sonic Fox, il y a Ugangod. Ugangod, ouais. Non mais attendez, enfin... Je parle de mecs qui ont gagné des majors. Bah, il y a Ugangod... Et puis Goichi, c'est tout. Et Sonic. Voilà. Voilà. Si on gagne, ils sont partagés. Mais bonne journée, au revoir. Non, mais c'est toi qui va peut-être s'y mettre dessus, quoi. Arrêtez, votre jeu, il n'est pas tant. Enfin, faites de l'e-sport avec, vous faites des tournois si vous voulez. Mais je suis désolé, vous attirerez pas des gros blazes. Hein. Bah écoute, moi, Fudo il n'ira pas jouer à ça, Nemo il n'ira pas jouer à ça, Daigo il n'ira pas jouer à ça. Non mais aucun des joueurs de Street Fighter ne va jouer à ça de toute façon. Ah ben, enfin, oui. Et donc voilà, et moi je suis désolé, mais les tournois de DBZ, moi je vous l'annonce d'entrée de jeu, ça va se terminer toujours autour de ces trois. Hein. Oui, non, mais on est d'accord. Hein. Mais de toute façon, enfin, Me permettre, pour terminer, c'est un petit peu comme tous les jeux Arc System, j'ai l'impression. Oui, mais tu regardes Marvel contre Capcom 3, c'était exactement pareil et le jeu a eu un succès pendant 5 ans. Ah oui, non mais je dis pas, c'est pas démenti. Faut dire pendant 2 ans, Chris G a gagné tous les tournois de Marvel, mais tous. Il a tout gagné, c'est d'ailleurs pour ceux qui se rappellent, on l'appelait le problème parce que sa team Moridoum qui faisait chier tout le monde qui était dégueulasse à regarder, a gagné tout. Mais moi, je pense pas que le fait que ce soit toujours les mêmes qui gagnent, que ça pose un problème à ceux qui veulent essayer le jeu ou ceux qui prennent du plaisir. Non, mais Vincent, il y a un moment où, si tu veux, tu parlais tout à l'heure de faire des événements de style de Dota, de style d'Overwatch, avec l'Overwatch League qui s'est passé à New York. Tu peux pas avoir un truc comme ça si t'as 99% de chance que le mec qui joue, il gagne. Oui, non, oui, on est d'accord. Il y a aucun intérêt, je veux dire... Même si même à l'Evo, même à ces grandes compétitions là, je suis désolé, mais la scène majeure n'était pas Marvel jusqu'à Com 2 hein, à l'époque. Hein. C'était Street Fighter 4. Hein. Oui, on est d'accord. Mais je trouve que le gap entre partir de vraiment les Occidentaux, vous êtes des merdes, à jusqu'à ce qu'on arrive maintenant. Je trouve que là, en 2 ans, tu vois, il y a déjà une évolution qui est très très intéressante. C'est beaucoup plus les niveaux. Par contre, là, c'est encore une autre histoire. Les niveaux internationaux, maintenant, aujourd'hui, est beaucoup plus lissé. C'est-à-dire qu'avant, tu avais les Japonais qui surplombaient quasiment tout. C'est-à-dire qu'ils prenaient n'importe quel jeu de combat, ils gagnaient quasiment tout. Là, maintenant, aujourd'hui, les niveaux sont beaucoup plus mixtes. Bah, c'est Ça, parce qu'on a accès au moi, je trouve jeu qu'on peut maintenant. l'expliquer. Ça s'explique avec la façon dont les jeux fonctionnent aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'en Oui. fait, le Capcom Pro Tour, il y a plus de. C'est un système de championnat où tu gagnes des points, dont en réalité, ta zone géographique n'importe pas. La façon dont est construit les points. Donc, en gros, tous les joueurs sont obligés d'aller à tous les tournois, tout le temps. Donc, fatalement, si tu te retrouves à tous les tournois avoir tout le temps les mêmes joueurs, bah, tu lises ton niveau mondial. C'est automatique, hein. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus avoir un écart de niveau ou des styles de jeu qui se contredisent et qui font que bah je sais pas le style américain avant il fait un peu plus et donc du coup les Japonais c'était chaud, ils n'arrivaient jamais à les battre. Bah, maintenant ils jouent contre des Japonais tous les week-ends, donc au bout d'un moment ils ont plus d'excuses et ils élèvent leur niveau et maintenant bah oui tu te retrouves avec un niveau global vraiment très élevé quoi. Oui, Et c'est justement parce qu'ils sortent en même temps les jeux. Parce qu'en fait, ouais, tout, parce qu'en fait, concrètement, il y a un tournoi toutes les 2 semaines, et en fait, c'est quasiment tout le temps les mêmes joueurs qui sont quand t'allumes un tournoi au pif, t'as 99% de chance qu'il y ait tout le monde dedans. Sincèrement, Oui, hein, c'est genre vrai. sur Street 5. Donc Ah oui, sûr. du coup, en fait, la scène c'est un peu plus fade. Parce que tu te retrouves en fait, bah en fait t'as des affiches, tu les vois tous les week-ends. Donc qu'est-ce que t'en as à foutre de voir Daigo contre Luffy ou Daigo contre Sako si en fait tous les week-ends en fait il y a un Daigo Sako un machin. Voilà, C'est vrai que et ça donc attire moins. ça attire. Donc pour toi ça t'attire moins et surtout le niveau global de tous les joueurs en fait ça se lisse énormément. Il y a beaucoup plus de concurrence entre les joueurs et. Et voilà, il y a pas de, il y a plus de, il y a plus l'écart qu'il y avait des salles d'arcade au Japon. Enfin, il y a tout un système qui fait qu'en gros le niveau est très très hétérogène. Hein. Bah, moi je trouve ça pas plus mal parce que c'est vrai que nous on avait l'habitude de se taper les patchs précédents là où les Japonais avaient le nouveau qui sortait quoi systématiquement. Donc Alors du coup il y avait un énorme décalage au ouais, niveau mais des parties avant de commencer à voir. le décalage il était tout con à expliquer hein. C'est que bon il y a quand même un phénomène que vous avez pas parlé mais qui explique aussi le lissage des niveaux, c'est la démocratisation du jeu online. C'est que avant les Japonais, parce qu'il y avait quasiment que jouaient en arcade sur des versions les plus neuves, en fait, bêta testait les arcades, et quand l'arcade elle était validée, elle était déclinée sur les consoles Oui, c'est derrière. vrai, oui. Donc Oui, fatalement, les c'est vrai. Japonais avaient tout Ouais. le temps un coup d'avance, en fait. C'est vrai. Donc voilà, après, aujourd'hui, même si certains, entre guillemets, influenceurs vous montreront des salles d'arcade pleines, les salles d'arcade au Japon, elles se ferment les unes derrière les autres. Il en reste encore quelques-unes qui font l'unanimité parce qu'il y a peu de gens, mais je veux dire, aujourd'hui, les principaux joueurs ne jouent plus en arcade, ils Oui, jouent oui. online, ou ils jouent dans des salles en fait qui sont réservées. Momochi en fait a lancé ce genre de truc vers Tokyo Sky Street en fait, où c'est un espèce de local où les gens où il y a les consoles de branchées, et les Japonais de Tokyo en fait se rencontrent et jouent directement comme ça quoi. Donc aujourd'hui c'est normal que la version de référence n'est plus l'arcade en fait. La Street Fighter V déjà n'existe pas en arcade, sauf erreur de ma part. C'est la version PC quoi qui tourne, je crois. Donc maintenant c'est la version console qui fait foi. Et donc, quand un patch sort, bah, ils en auront rien à foutre, ils le diffusent sur tous les systèmes, ils sont plus emmerdés. C'est ça le vrai changement en fait. Avant, tu étais en arcade, t'avais pas le choix. Et le temps que l'arcade n'étant pas sur les mêmes architectures, il fallait le ressortir, le recoder, le décliner sur un, deux ou trois systèmes pour après le diffuser. Et ça prenait du temps. Oui, c'est vrai. Mais bon voilà, oui, c'est vrai que c'est exactement ce qui se passe. Après voilà, faut voir si en effet, par rapport au public, est-ce que ça c'est un bien ou un mal qu'on retrouve un niveau voilà qui est exactement. Bah moi, pour répondre à ta question initiale, moi je trouve que c'est plutôt quand même positif, parce qu'aujourd'hui, tu as quand même une version qui est de référence et qui est référence internationale. C'est-à-dire qu'en fait, un petit Japonais ou un petit Français ou un petit Brésilien ou un petit Américain, bah, ils vont avoir la même version du Street ou de leur jeu de combat préféré pour pouvoir y jouer. Donc déjà, ça, je trouve qu'en termes de niveau, c'est déjà bien. Je trouve que l'avènement du jeu par Internet, même si les connexions aujourd'hui ne sont pas encore parfaites, bah, ça permet une meilleure mixité des niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux jouer entre Européens, tu peux jouer entre Américains, tu peux jouer entre Asiatiques. Donc ça, je trouve que c'est quand même plutôt positif. Après, en termes d'entertainment et d'événementiel, bon, moi, j'ai regardé, bah, effectivement, l'Evo, c'est quand même plutôt bien foutu. Il y a la Red Bull Comité sur Paris qui est quand même plutôt hyper bien foutu. Ah oui, il y a une Là, bonne réputation effectivement, ce tournoi. ouais, mais enfin, moi, j'y suis allé en physique. Enfin, franchement, ça envoie du pâté. Comme c'est fait, c'est quand même très, très bien foutu. Bon, il y a que les Japonais qui sont à la ramasse. Enfin, le dernier tournoi là qu'ils ont fait, ils ont essayé de refaire un espèce de tout équipe en Capcom Pro Tour. Bon, c'était une catastrophe. Mais et si tu veux, le truc, ils essayent quand même de le faire vivre. Par contre, moi, je suis désolé, là où c'est plutôt négatif, c'est que je vois pas le truc s'emballer, en fait. Bah ça a Enfin, même non, ça c'est une évidence, hein. je pense qu'il y a même Enfin, regardez y a le. un reflux même, hein. Ouais, Parce il y a un reflux. que Alors, c'est un peu compensé avec Dragon Ball, parce qu'effectivement, ça a ramené un peu de sang neuf, donc ça a réinjecté un petit peu d'intérêt. Mais enfin, aujourd'hui, je suis désolé, mais les compétitions, la scène e-sport, c'est pas versus Fighting, quoi. Enfin, je veux dire, ah oui, on est c'est clair, oui. Over. C'est Non. les Dota, les LOL, les Overwatch, c'est les Mais ça le Hearthstone, sera jamais. Ça le Mais sera voilà, jamais. c'est ça. Est-ce que c'est pas la nature même du jeu qui fait Ah bah oui, que mais c'est je pas pense. possible? Mais parce que regarde, Oui, il y a typiquement, des chances. moi les jeux de combat, j'aime beaucoup le style, ça j'aime bien le regarder, si tu veux. Mais déjà, me taper 8 heures de stream de versus fighting, faut quand même être motivé par la vie quand même, c'est un peu compliqué. Et puis surtout, j'arriverai jamais à avoir le niveau d'exécution de ces mecs-là. Donc, enfin, je veux dire, un Dragon Ball Z Fighter, c'est quand même hyper bâtard, parce que quand tu vois le niveau des mecs complètement hallucinant, t'as l'impression que le jeu il est craqué, mais quand on te file la manette dans les mains, t'es incapable de faire ça, quoi. Ouais, mais ça, j'ai envie de te dire, ça n'a pas forcément de rapport avec le jeu de baston, hein, parce que tu vois, par exemple, Dota, pour prendre l'exemple que tu donnais, ce jeu, il a un succès, mais incroyable au sein de sa communauté, et pourtant, le jeu, mais il est sans pitié, mon gars. Enfin, moi, j'y ai joué 30, 35 heures, mais c'est ingérable, quoi, quand tu Oui, arrives. mais t'as pas de. Si tu veux, le truc, c'est que le personnage que t'as, tu l'as débloqué, machin, etc. T'as quand même beaucoup, moi je trouve, t'as beaucoup plus de tutos, t'as quand même beaucoup plus d'aide sur un Dota, sur un Hearthstone, sur un League of Legends, Ah, tu trouves. qu'un truc de versus fighting, quoi. Enfin, Oui, je veux dire. alors après, au niveau des tutos, des discussions, enfin des médias, grosso modo, c'est vrai qu'il y a Doit plus de. pouvoir s'améliorer, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué sur un jeu. Si t'es pas avec quelqu'un que entre guillemets est bon et sait t'expliquer les choses, en fait tu peux pas évoluer tout seul sur un jeu de combat. C'est ça, Hearthstone, si tu veux, typiquement. Je me mets à Hearthstone, je connais pas plus que ça. Bon, je mets 60 euros, je m'achète des cartes, machin, etc. J'essaie de faire un deck. Je te jure, tu tapes deck budget Hearthstone sur Internet, t'as 50 000 trucs qui te tombent, t'as 50 000 vidéos de mecs qui t'expliquent comment jouer, c'est quand même vachement plus amical, et du coup, t'as plus envie de regarder un tournoi, quoi. Enfin, Oui, Street non, Fighter V, mais peut-être ouais, que une fois c'est. qu'on t'explique. Excuse-moi, vas-y, Chapi. Non, mais je trouve que pour rentrer dedans et pour, entre guillemets, prendre du plaisir pour un néophyte, beaucoup plus hard, en fait, beaucoup plus dur, je trouve. Oh, mais c'est cruel, hein. Puis même, vu que c'est du 1 contre 1, t'as pas d'excuses. C'est Ah bah là, mais non, c'est clair, c'est ta les, faute, mais les, oui. les gens ont beaucoup plus de mal, en fait, à admettre qu'ils sont mauvais. Enfin, je dis pas Ouais. ça. Non, mais donc du coup, un jeu de combat, c'est cruel pour ça, quoi. C'est, tu te retrouves en fait à bah, en fait, vu que c'est toi contre quelqu'un d'autre, en fait, bah, quand tu perds parce que il est plus fort que toi, point. Tu Enfin, il y a perds pas de. et ça Voilà, marche il tout y a seul, en pas. fait. Alors que dans un Dota, un LoL, un truc comme ça, où c'est du 55, tu peux te dire, bah, ça va être la faute du mec qui est dans la jungle, ça va être la faute du perso en face qui est pété, ça va être la faute de machin. Et tandis que t'as pas de solution de retrait, de solution de repli dans un jeu de combat. Donc. Ouais, c'est vrai. Donc c'est compliqué, quoi. Moi je pense que c'est une des raisons qui explique pourquoi en fait il y a moins de gens qui y jouent aussi. Hein. Ouais, mais alors justement, Après, bah, et puis, oui, vas-y. je pensais juste pour terminer aussi, c'est aussi inhérent, je pense, au type de jeu, étant donné que c'est des gameplays qui sont quand même très très dynamiques, donc ils demandent d'être très présents. Quand tu joues à Hearthstone, c'est beaucoup plus lent, en fait. Tu peux prendre le temps de réfléchir, de se Oui, réunir, même de les dire LOL, comment tout je vais ça, faire tu joues. ci, comment je vais Oui. faire ça. Bah, Street Fighter, t'as pas le temps, juste combat, tu te prends, tu te fais laver en moins de 15 secondes, et puis c'est terminé, quoi. Mais justement, alors moi j'ai une interrogation par rapport à là-dessus. Est-ce qu'on est forcément obligé d'arriver à là? Je veux dire, est-ce que chaque style de jeu, si on applique la même formule, sponsoring, e-sport, compétition, scène internationale, est-ce que ça a vocation à donner le même résultat à chaque fois? Enfin, je veux dire, comme vous le dites, le jeu de baston, c'est un style particulier, c'est un jeu de hardcore gamer, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. T'as beau mettre des manipulations qui sont simplifiées, t'as beau mettre ce que tu veux dans le gameplay pour faciliter la prise en main, ça reste un style de jeu qui est dur à prendre en main et où tu vas te faire laver au début, mais tu vas, enfin voilà, il faut encaisser ça. Ah, tu vas manger sale. Ouais, et je sais pas. Et toi, par exemple, moi, je suis... est-ce que ça peut, pas... ouais, vas-y, mais... Oui, vas-y. Non, je veux dire, est-ce que c'est pas non plus ça qu'on aime dans le jeu de baston? Je veux dire, quand on est devenu respectable dans ce style de jeu, bah oui, on n'a pas envie que le mec à côté, au bout de 15 jours, il arrive à faire les mêmes trucs que toi, alors qu'il a passé 15 heures sur le jeu. Et justement, moi, je pense que c'est ça où Street Fighter V aussi fail complètement, c'est que comme il n'y a pas de phase difficile dans le jeu, tout le monde peut faire la même chose et du coup, tout le monde peut battre n'importe qui. Et c'est pour ça que c'est pour c'est ça d'ailleurs. C'est pour ça que je supporte principe... pas dans ce jeu. Ouais, je trouve que c'est le principe même des jeux de baston. En fait, c'est de la compète. Donc si t'arrives, toi tu t'es donné pendant des mois, des années sur ton jeu et que t'as un mec random qui débarque au bout de 15 jours et qui te lave la gueule comme une merde, bah tu vas te sentir mal parce que tu te dis que toi tu t'es donné, t'as été au top, mais en fait il y a juste une petite merde qui arrive et qui te fout une claque et juste tu fermes ta gueule. Donc c'est... Ouais. Bah c'est ça. Mais moi franchement, de toute façon je me rappellerai toujours parce que ça a été tellement difficile, mais quand je me suis mis à BlazBlue, donc je jouais avec mon meilleur pote là, et sans mentir, pendant 6 mois, je me suis pris des 10 et des 15-0, mais tous les jours. Tous les jours, parce que je voulais jouer un personnage qui était difficile à jouer au départ, et il a fallu que... j'ai passé des soirées, mais à encaisser dans le coin comme une grosse merde, tu vois. Et au bout de 6 mois, j'ai réussi à m'en sortir et du coup à faire subir aux autres ce que moi j'avais subi pendant 6 mois. Mais du coup, je trouve pas ça normal que quand tu passes du temps dans l'entraînement d'un truc, le mec qui vient d'arriver peut avoir l'opportunité de te battre sur un coup de chat. Et ça, je pense que c'est ça aussi qui pose problème sur les jeux Arc 6, c'est que les jeux Arc 6, tu ne peux pas battre quelqu'un même sur un coup de chat. C'est pas possible. Si tu sais pas jouer à un jeu, tu si peux pas. Si le mec est meilleur que toi, t'es foutu. Ah non, mais c'est fini. De toute façon, c'est fini. Tu vas finir dans le coin et tu vas te faire laver. Donc il y a pas de mind game. Street Fighter 4, déjà, il y avait les dragons ou les ultras à la relever, les choses comme ça. Moi, ça m'a fait rager énormément. Mais rétrospectivement, je trouve que l'équilibrage entre t'as une chance de battre un mec qui est plus fort que toi et puis l'autre qui va quand même te laver si ça se passe mal. Voilà, je trouve que l'équilibrage était plutôt pas mal, même si les derniers personnages étaient vraiment dégueulasses, genre, comment elle s'appelait, l'Africaine, là, Poison, tout ça. Hein. Rolando, tout ça, c'est vraiment des persos qui étaient faits poison, ouais, ils étaient vraiment dégueux. Mais le jeu avant était pas mal. Là, c'est avec Street 5, tu arrives, bon déjà, voilà, les combos, c'est 3 frames minimum, donc c'est génial, quoi, tu passes tout ce que tu veux. Et comme t'as pas beaucoup de possibilités de gameplay dans le jeu... Bah forcément, tu ne peux pas, créer du jeu comme tu veux, quoi. À part quelques persos comme Urien ou des persos ou Menat, des persos qui ont un set play, quoi. Mais si tu es en déficit de vie, il y a de très grandes chances que tu perdes parce qu'il n'y a pas de mécanique de comeback dans le jeu, quoi. Et voilà, c'est ça. Et en plus, il y a un truc qui est très particulier dans Street Fighter V, c'est que en termes d'exécution, c'est très c'est très limité, tu peux vraiment être créatif dans tes combos. Et donc, du coup, ça fait que pour le spectateur, en fait, c'est hyper répétitif. Hein. Ah, tu vois deux joueurs qui jouent le même personnage, t'as vraiment l'impression de voir la même chose. Tu vois Luffy. Enfin, après, c'est... bon, il y a quelques petites différences, mais tu regardes. C'est vrai, tu vois Luffy ou Fudo qui jouent Mika, c'est la même Luffy chose. Luffy ou Fudo, ouais. Déjà, bon, et encore. Quand, si t'as regardé souvent Luffy, tu vois quand même un écart, mais c'est pas extraordinaire. Mais tu me mets 5 matchs d'affilée, tu m'enlèves les noms, tu me mets 5 Kami, je peux pas te dire qui est Shao Hai, qui est Human Bomb, c'est impossible. Mmh. Alors que par exemple, sur Street 4, ils utilisent tous, en fait, les trucs optimisés du personnage comme si c'était un RPG, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça. Ouais. Les trucs optimisés, c'est la base. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, c'est horrible parce que tu regardais un match d'un de Daigo à Street Fighter 4 ou un Shawai de Street Fighter 4 qui jouait Kabi, bah tu voyais que Shawai c'était le mec qui faisait des hits confirme, c'était n'importe quoi. Dans Street Fighter 5 tout le monde hit confirme n'importe comment, donc on s'en fout. Et Daigo faisait des combos de psychopathe et Sako aussi. Et là pour le spectateur, franchement Street Fighter 5 c'est rasoir à ce niveau-là. Hein. Mm. C'est en fait t'as l'impression de voir en fait perso A contre perso B quoi. Enfin, c'est ouais, moi j'en peux plus. Hein. Franchement, c'est horrible, quoi. Très rapidement j'ai lâché à cause de ça aussi. C'est que je ne peux pas regarder 2-3 matchs d'affilée, c'est pas possible. Il se passe tellement rien que c'est ça, c'est le vide. Ouais, non mais c'est triste. Hein. Mais bon, voilà. Après, malheureusement, c'est ce jeu qui dirige un peu la communauté. Mais c'est pour ça, moi, j'espère. Après, c'est un souhait perso, mais j'espère que Street Fighter 6 va arriver assez vite. J'aimerais bien qu'il soit là dans les 2 ans, parce que bon, on a attendu 9 ans pour on a attendu 9 ans pour le 5. J'espère que Capcom ils vont se rendre compte que, enfin je pense que de toute façon je pense que le 6 il est déjà en travaux. Parce que vu les persos qui sont en train de sortir en ce moment, le 6 tu peux encore te toucher pour l'avoir. Moi je pense qu'il y a encore au moins une saison de DLC à minimum. Ah oui je pense, oui. Mais moi je pense qu'ils ont déjà en interne, ils ont déjà commencé à plancher sur le 6. Après j'en sais rien, tu vois. Oui, il y a des chances, peut-être, mais moi je suis pas sûr, hein, avec ce qu'ils sortent en DLC là. Mais ouais, bon, en tout cas j'espère que voilà, on va repartir vers quelque chose de plus sans pitié, parce que c'est, je pense aussi que c'est ça qui fait le succès des jeux de baston. Hein. C'est vraiment des fois tu laves ton adversaire, des fois tu le fais laver, enfin. Voilà, on aime poutrer des gens, on aime les mécaniques de comeback, on aime les gros dégâts. Enfin, c'est des choses qui sont inhérentes. Oui, ou une difficulté d'exécution qui fait que quand tu regardes des joueurs pros, tu te dis pas que ce qu'ils font, en fait, t'es accessible. Mmh. Non, mais parce que c'est le vrai problème là. En fait, là, tu regardes Street Fighter 5. Concrètement, tu vois tu regardes des combos, des trucs. Tu dis, bah en fait, si tu prends ta manette, même moi qui ai une exécution passable, on va dire, bah, je peux faire tous les combos que je vois dans le stream de l'Evo. Je peux m'entraîner, je peux passer 30 heures devant ma console d'affilée à boire du Red Bull, jamais je ferai le combo de Daigo en finale du Stunfest avec son Eddie Ryu dans le coin. Là, c'est impossible, mais sincèrement. Hein, non, mais c'est clair. C'est impossible. C'est clair. Hein. Enfin, je peux passer vraiment, mais même je peux passer ma vie dessus, jamais je le rentrerai ce combo, c'est sûr. Ouais, moi je vais essayer. Tandis que, voilà, c'est. Enfin, c'est ouais. Et lui, il l'a fait en impro total. Enfin, je veux dire, tu vois que c'est. Enfin voilà, je trouve que ça fait pas rêver quoi. Quand tu regardes un truc de Street 5, tu te dis juste ouais bon il a été plus fort que lui, il a bien appliqué ses trucs, mais t'as plus le petit truc, tu te dis ouais franchement là il a fait une dinguerie. C'est un vrai truc, je trouve, c'est incroyable. Bon bah écoutez, ouais c'est sur ces paroles, je suis désolé, on va arrêter là parce que le temps passe et puis bon, arrêtons de parler de sujets tristes. on va passer coup à la deuxième partie avec notre chapi national qui va nous parler d'un sujet fort intéressant, en tout cas qui moi m'intéresse. Alors, et du coup, je te laisse la parole, mon cher chapi. Alors, maître tempo, déjà combien de temps on a? Bah écoutez, là, je sais, franchement, j'ai regardé vite fait, mais on doit être à 35 minutes là. Ok, bon, on a le temps de débattre. Alors, donc, la petite histoire, c'est que je voulais vous parler. Des jeux de rôle papier, donc ce n'est pas les jeux de rôle jeux vidéo, mais l'essence même du jeu de rôle au départ, c'est un jeu de rôle papier avec des dés et des crayons, qui sont aujourd'hui filmés, slash streamés, un petit peu en mode épisode de série télé. On va dire un petit peu ça comme ça. Donc pour un petit peu replanter un petit peu le décor, et notamment pour ceux qui ne connaissent pas, bon, moi j'ai été rôliste pendant très très longtemps, parce que j'ai dû en faire. J'avais commencé, je pense, j'avais 8 ans, et j'ai arrêté 20 ans plus tard. Donc voilà, je connais pas mal de choses. Le jeu de rôle papier, en fait, c'est bah, vous allez jouer un personnage, comme donc, classiquement dans tous les jeux de rôle que vous avez déjà pu entrevoir, à part que vos personnages ont des caractéristiques, des capacités, et donc pour savoir si une action qu'il entreprend va marcher ou ne pas marcher, vous allez utiliser des dés de différents nombres de facettes. Il y a des dés à 4 faces, des dés à 100 faces. Je crois même qu'il y a des dés à 1000 faces maintenant qui existent, mais c'est un peu débile. Et donc, en fait, vous avez un pourcentage de réussite. Bah, par exemple, pour toucher la personne, tu dois faire moins de 70%. Donc, tu lances un dé à 100 faces. Si tu fais moins de 70, tu as touché. Voilà. Donc, en fait, la base du jeu de rôle papier, il y avait cette partie-là, action. Il y avait une partie aussi rôle, étant donné que vous devez jouer un personnage. Et donc, vous partez dans des aventures qui peuvent durer une nuit, 20 nuits, 20 ans. Ça dépend un petit peu comment ça marche. Devant ça, en fait, vous avez ce qu'on appelle alors le maître du jeu en français ou le dungeon master en anglais, qui est en fait la personne qui va animer la soirée. Donc, il va jouer tous les personnages non joueurs, les monstres, etc. Et c'est lui qui va être là pour planter le décor et amener l'ambiance. Une fois qu'on est passé là-dessus, je vais parler en fait de ce phénomène parce que en fait, je suis un peu tombé dessus récemment et j'ai un petit peu regardé ce qui se faisait, notamment aux États-Unis. Et en France. Donc, on va parler dans la première partie. Je vais parler plutôt du côté américain, notamment avec une série qui est très très connue. Et si vous aimez les jeux de rôle, foncez-y les yeux fermés. C'est Critical Role. Critical Role, en fait, qui est animé par un gars. Alors, vous connaissez peut-être pas forcément de nom, mais quand vous allez voir la liste longue comme le bras de voix qu'il a fait, c'est assez impressionnant. Il s'appelle Matthew Mercer. Donc Matthew Mercer, pour info, pour ceux qui ne connaissent pas, Pillars of Eternity, il a quasiment fait la voix de tous les mecs de Pillars. Donc tous les personnages principaux, c'est tout lui qui a doublé. Je vous invite à aller sur sa page Wikipédia, il a doublé quasiment la trois quarts des animés connus. Genre c'est la voix de Levi dans l'Attaque des Titans aux États-Unis, par exemple. Donc si tu veux, c'est pas un petit pédigré. Donc Matt Mercer, en fait, c'est quelqu'un qui aime les jeux de rôle, qui en fait depuis des années. Et qui s'est dit, ben en fait, pourquoi pas, on va se filmer entre potes, bien entre potes, sachant que les potes de Matthew Mercer sont ou des comédiens ou des doubleurs voix. Ah ouais, donc ça c'est mettre en scène, quoi. Voilà, donc lui a une manière de mettre en scène qui est très très poussée, et chaque personnage du jeu de rôle a une identité qui lui est propre, et Matthew et ses amis, en fait, tu vois que c'est leur boulot de faire ça. Et donc, il n'y a pas de problème au niveau de l'ambiance. Ils emmènent ça super bien. Donc, il y a deux saisons principales qui ont été faites. Donc, la première a quand même duré un an. Donc, quand même, pour vous donner, c'est 115 épisodes. Purée. Sur un an. Donc, c'est un stream. Tous les trois par jours. Semaine, quoi. Plus des numéros spéciaux. Et là où Matthew Mercer, en fait, est excellentissime, c'est que, ben, il a, par exemple, amener des guest stars, si tu veux, comme par exemple Will Wheaton. Donc, je ne sais pas si vous savez, c'est le mec qui jouait dans... Ouais. Voilà. Dans Star la Trek, saison 2, il joue dans le... Exactement, qui jouait dans Star Trek. Et typiquement, dans la deuxième saison, qui est en cours d'être... qui est en cours, hein, la deuxième saison, elle en a combien, je crois, rapidement. C'est à peu près une trentaine d'épisodes, déjà. Là, il est dans le sixième ou le septième épisode, il a fait faire Carrie Payton, Clapsus, pour The Sweetheart, c'est le Black qui joue dans Walking Dead. Ah yes, ok. Voilà, donc voilà, il a un portefeuille de gens qu'il connaît. Ouais, il y a les connexions. Et qui coach, parce que ces gens-là n'ont jamais fait de jeu de rôle, de façon brillantissime. Et toute la campagne, en fait, dont la campagne, la première, a duré 2 ans. La deuxième saison, elles ont démarré, ils ont des sponsors, puis savoir qu'en faire. Donc, juste pour. Je vous conseille juste pour regarder un petit peu le truc, pour regarder le premier épisode de la deuxième saison où un ébéniste leur a fait une table en bois immense, designée rien que pour eux, quoi. J'ai essayé de la mettre en post-prod pour voir. Ouais, je te montrerai deux trois captures d'écran qui sont absolument, absolument incroyables. Et l'aventure est tout simplement géniale parce que les personnages sont formidables. Enfin, je veux dire, il y a que des gars qui sont over the top. Bon, il y a Sam Riegel que moi j'aime particulièrement. Il joue en fait une femelle gobelin, en fait, et qui joue un voleur, mais qui est pas du tout, qui est peureux comme c'est pas permis, etc. Et là où Sam Riegel, voilà, explose complètement, c'est qu'il joue magnifiquement le truc. Il joue, c'est un fils de pute de première catégorie. Donc par exemple, typiquement, quand un personnage donc Carrie Payton vient jouer un personnage juste pour un épisode. Sam Riegel n'a rien trouvé de mieux que lui faire les poches pendant un combat, quoi. Voilà, donc ce qui savait pas trop qui c'était, donc il lui a piqué son fric. Voilà, donc beaucoup de personnages en fait qui sont comme ça. Il y a un personnage qui joue un demi-orc, et rien qu'avec la voix, il a la voix d'un demi-orc, quoi. Enfin, je vais dire, c'est assez incroyable. Un autre personnage que j'aime beaucoup, c'est Liam O'Brien. Qui est pareil, alors je vous donnerai la liste, regarderai en post-prod la liste des gens. Enfin, c'est que des gars qui ont fait 50 000 doublages, c'est un truc absolument incroyable. Et donc, Liam qui joue Caleb, en fait, est un magicien complètement peureux, qui a absolument pas confiance en lui, et qui, au moindre combat, va se cacher derrière une poubelle pour pouvoir relancer des sorts au pif, sans prendre de risque, quoi. Alors, juste une Alors, les question. personnages. Oui. Est-ce que du coup, quand moi par exemple, tu vois, je t'avais déjà dit, mais autant j'aimerais vraiment tester ça, mais j'y connais absolument rien du tout en jeu de rôle réel. J'ai jamais été en contact avec des gens qui en ont fait. Est-ce que du coup, pour des personnes néophytes complètes, est-ce que tu conseilles de regarder ça ou pas? Alors, moi, je conseille, étant donné que les règles, elles sont très, très peu expliquées, et ma perceur est excessivement bon là-dedans, c'est qu'en fait, il va dire, bah, tu dois attaquer, lance un dé. Le mec lance le dé, il dit, bah, j'ai fait 15, et là, il lui dit, OK, t'as touché ou t'as pas touché. Ah oui, d'accord. Et Ouais, si c'est tu veux, pas mal, ça c'est s'arrête là. didactique. Ouais, Donc, ouais. en gros, c'est un petit peu comme s'il avait cliqué sur un truc, il lui dit, bah, le résultat, et il lui donne directement le résultat. Après, plus au long de la campagne, petit à petit, ça monte en mayonnaise et il explique, bah voilà, pour le toucher, il faut que tu fasses 14 ou moins sur ton D20. Mais sur ton dé qui fait 20 faces. Mais typiquement, l'épisode est assez parent. Je parle de Kerry Payton parce que c'est l'épisode que j'ai regardé il n'y a pas très très longtemps. Kerry Payton, il connaît que dalle en jeu de rôle, il n'en a jamais fait de sa vie. Et il fait une session de 5 heures. Et au départ, en fait, il ne comprend pas trop. Il lui explique très rapidement le truc. Et tu vois que le gars rentre dedans et il n'y a pas de problème. Donc, non, t'es pas obligé d'être hardcore dans le RPG pour regarder ça. C'est vraiment hyper, hyper agréable. Et les personnages ont tous un voice acting qui est absolument enfin, fabuleux. Bon, en plus de ça, dans la petite histoire, ils sont 6 à jouer. Il y a deux couples dedans. Donc, déjà, ça aide pour créer un certain nombre d'affinités, etc. Mais voilà. Mais je vous le conseille vraiment de le voir. Les 4 ou 5 premiers épisodes sont intégralement sous-titrés en français. Et oui, parce qu'en fait, c'est streamé le jeudi de la semaine d'après. L'épisode sur YouTube sort intégralement sous-titré en anglais pour les non-entendants. Et derrière, tu as une autre team qui font un mois après qui le traduisent en 5 langues. Nice. Donc, Ok, tu vois, ouais, donc c'est il y a vraiment un accessible à vrai. tous, ouais. Ouais, c'est vraiment hyper accessible. Donc là, maintenant, moi, je regarde les épisodes maintenant, ils sont plutôt en anglais. Mais bon, ça, c'est quand même plutôt accessible. Mais voilà, donc je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. C'est les règles. Alors, pour ceux qui veulent savoir, c'est les règles de Donjons et Dragons, slash. Sylvain va m'aider. C'est Pathfinder, j'aurais plus comment ça s'appelle. Pathfinder. Ouais, Pathfinder, voilà. Donc, c'est des règles qui sont relativement simples, faciles à prendre en main. L'autre truc qui est assez génial, c'est que, bon, c'est les Américains, donc ils ont à côté une partie de l'argent qu'ils gagnent et qu'ils génèrent. Passe à une fondation pour aider les enfants dans les milieux défavorisés. Donc voilà, donc le truc est plutôt hyper, hyper positif. J'ai pas regardé, mais les derniers streams, faut quand même savoir qu'il y a quand même, je crois, 10 ou 15 000 personnes qui regardent. Hein. Ah oui, Donc en putain. stream, c'est pas un petit truc non plus. Hein. Ça tourne plutôt très bien. Ah, j'avoue, enfin, dire pour un divertissement de niche comme ça, c'est clair que réussir à Ah faire ouais, venir c'est sûr. 10-15 000. Alors. Alors après, le jeu de rôle papier, c'est qu'aux États-Unis, ça marche énormément. Et là où j'étais très surpris, ma personne a expliqué qu'en fait, la plus grosse communauté qu'ils avaient, c'était des Anglais. Ah ouais. Donc des Britanniques, en fait. Oui, les Ok. Et Britanniques donc, et les Allemands, ils adorent ça. voilà. Et donc, ma personne a demandé à un des personnages de prendre un accent britannique pendant un épisode pour les remercier, etc. Et c'est là où tu vois que les mecs sont excessivement bons, étant donné bah, ils peuvent changer assez facilement de voix. Et c'est plutôt agréable. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie américaine. Donc du coup, je me suis dit. Bon, ben, maintenant, on va voir ce qui se passe en France, parce que je Aïe, sais qu'il y a des trucs qui se font en France. aïe, aïe, Et là, je vais être un peu plus acide, parce que aïe, j'en ai je vu sens deux. la partie. J'en ai vu deux. Je vais être agréable avec ces gens, je ne vais pas les nommer, parce que je pense qu'ils n'ont pas spécialement besoin qu'on leur fasse de la pub. Et je pense que la plupart, vous allez les connaître. Je pense que quand je vais les décrire, vous allez effectivement Bon, les en gros, reconnaître. avec une semaine de chemise jaune, quoi. Voilà, ça, c'est la deuxième partie. Et puis l'autre. Alors, on va parler du premier archétype français, qui est, bah, on va faire comme Critical Role, mais sans les acteurs. Donc, on va faire venir des potes, on va prendre un maître du jeu qui est plutôt très compétent, et je vais faire venir des potes à moi. Donc, les potes à moi, ils n'ont jamais fait de jeu de rôle, et c'est pas des acteurs, hein, mais on va faire du médiéval fantastique. Ouais, c'est une soirée entre potes qui est filmée, quoi. Voilà, c'est une soirée entre potes. Alors, ça reste une soirée entre potes, c'est très sympa. Mais voilà, tu as décidé quand même de mettre de l'argent sur la table, d'en faire quelque chose qui est quand même bankable, tu veux quand même gagner de l'argent. Tu fais beaucoup de pubs dessus, tu essaies de potentiellement essayer d'après de raccrocher des sponsors, parce que mine de rien, il faut quand même que tu, au moins que tu payes les locaux, c'est déjà la base. Mais donc, du coup, j'arrive pas à comprendre comment tu joues le mage se transforme en percepteur des impôts de Sarcelles. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Une fille joue un barbare, mais avec des yeux de biche et une voix style de Disneyland. Donc, c'est un peu compliqué quand même pour te mettre dedans. Voilà, et puis ben, les mecs ont zéro voice acting. Ils sont pas du tout à l'aise sur ces certaines parties. Et du coup, ben, tout repose sur le maître du jeu pour animer le truc et ne pas faire du gros n'importe quoi. Donc voilà. Donc en plus de ça, tu prends des règles qui sont pas des règles classiques, qui sont des règles custom. Donc pour essayer de comprendre, c'est un peu compliqué. Donc tout est fait pour moi pour avoir un truc qui, au bout de deux épisodes, personnellement, j'ai arrêté, étant donné que ça me cassait les couilles. Je trouvais aucun intérêt. Je suis pas du tout rentré dedans. Et hormis surfer sur la hype de 2-3 noms connus sur Twitter, aucun intérêt. Ouais, c'est ça, l'immersion, c'est tellement violent, important moi, dans ce genre de soirée. Poubelle, en fait. Bah, oui. En gros, c'est comme si bah, je te disais, bah, tiens, Vincent, je descends à Nantes et puis on va se faire une soirée, on va se filmer, on va se mettre sur un stream. Voilà, enfin, c'est pas. Non, désolé, ça marche pas comme ça. Et Matt Mercer, côté Critical Role, l'expliquait, l'a très très bien expliqué. Faut quand même savoir qu'à la fin de chaque stream, Matt. En chacun des acteurs, les débriefs, leur dit, bah voilà, au niveau du voice acting, comment t'as été, là, j'aimerais que tu t'orientes plutôt sur ce genre de choses, tiens, ce genre de truc-là, j'ai trouvé ça pas mal, voici, tu peux peut-être le retravailler, et aussi dire, ça, ça n'a pas été bon, ça, typiquement, t'as pas été dedans du tout, et même si c'est des potes à lui, il y a un côté très professionnel dans l'accroche, qui fait que le truc est bon. Ah oui, attends, c'est parce que. Un produit, au final, quoi, c'est pas juste un truc où tu surfes sur ton nom et où tu fais une soirée de débutant de débutant au jeu de rôle et où tu te filmes quoi. C'est ça, ouais. Exactement ça. Attends, juste j'ai une question parce que je te dis moi je connais rien du tout au jeu de rôle. Qui dit jeu de... donc du coup quand tu joues au jeu de rôle, en fait, tu incarnes un personnage, c'est-à-dire que tu joues comme si tu étais au théâtre ou un truc comme ça, c'est ça? Tu dois normalement le faire. Ouais. Ah ouais, j'avais pas compris que c'était ça. Alors après si tu veux, on t'a différents niveaux. On va dire, si jamais je te fais faire un jeu de rôle, déjà dans un premier temps, je te ferai pas forcément faire de l'acting parce que c'est quand même assez particulier, mais tu vas plutôt adhérer sur les règles et puis le monde, etc. Ouais, moi je suis tellement nul, c'est pour ça, moi je suis tellement nul pour faire autre bah chose oui, que oui, moi-même. Non, c'est pour ça. Mais après, en fait, en courbe de progression, et tu le fais assez naturellement, du moment que tu vas commencer à rentrer dans l'univers et à te prendre au jeu, tu auras plus de facilité à jouer des personnages, en fait, à jouer entre guillemets un personnage. Assez proche finalement de la comédie dell'arte. Voilà, le top du top. Après, si tu veux, quand tu as un bon maître du jeu, les premiers personnages que tu vas construire avec lui, il va te donner des caractères assez faciles. Après, plus tu vas commencer à avoir d'expérimenter, etc., plus tu vas pouvoir jouer des personnages qui ont des vrais caractères forts, qui ont l'an. Ouais, genre May, ce serait la cuisinière en chef dans le château, quoi, tu vois. Oui, bien sûr, tu peux. Ce serait là. Je te vois tellement comme ça, Ney. Pour donner un exemple. En train de brasser ta crème, là. C'est ça. Ah oui, non, mais. Il bat la crème, n'importe quoi. Non, mais l'image est là pour ça aussi, hein, tu vois. Oui. Ouais. Attends. Non, pour te donner un exemple, Vincent, genre, en gros. C'est comme si au début dans un jeu de rôle, tu vas dire par exemple, bah écoute, le maître de jeu va te demander par exemple. Vous êtes dans une salle, il y a une dalle au sol, qu'est-ce que vous faites? Et ben genre toi, naturellement, quand tu vas commencer le jeu de rôle, tu fais bah, est-ce que je peux aller mettre mon pied sur la dalle, tu vois? Tu vas demander à ton maître de jeu. Ouais. Et plus tard, tu vas faire oh, une dalle par terre avec la voix de ton personnage, et puis le maître de jeu va comprendre en fait que c'est de l'acting, comme quoi tu t'es avancé dans la pièce et d'accord. Ça devient une histoire. Ah ouais, en fait, vous... ouais, d'accord. C'est un grossi, vraiment, j'ai fait un truc très très simple, mais en gros, dans l'idée, c'est ça. Enfin, c'est vrai qu'en général, dans les trucs comme ça, c'est le maître du jeu qui donne le tempo. Hein. C'est exactement ça. Alors, ouais. toute la force, en fait, elle est là. Après, ton DM, enfin, le maître du jeu seul, malheureusement, si t'es mal accompagné, c'est compliqué à faire monter aussi, oui. À la mayonnaise, et c'est moi ce que j'ai vu sur le premier stream français, donc que je vous disais, En fait, le maître du jeu est très très bon. J'ai aucun problème là-dessus. Je pense qu'il est même, enfin, c'est quand même connu en plus qu'il est excessivement bon. Mais l'équipe, c'est pas possible. Enfin, c'est juste pas possible. C'est pas, ça matche pas. Donc Ok, ça, un ouais. peu chaos. Ouais. Le deuxième, alors que Kylvan parlait, hein, c'est la team chemise jaune. On va l'appeler ça comme ça. Alors eux, c'est un peu différent. C'est que ils ont envie de faire des jeux de rôle, mais ils n'ont pas de moyens, quoi. C'est un peu paradoxal, parce qu'ils en ont. Mais du coup, ben, ils n'arrivent pas à se mettre ensemble physiquement au même endroit. Et puis ils disent, bah, fuck it, maintenant il y a Discord et puis Internet, donc on va jouer online. Ouais. Et là, pareil, grosse connerie, parce que bah, du coup, je laisse imaginer le visuel, tu as un espèce de truc qui te montre des images, etc., pour essayer de mettre dans l'ambiance du truc. Tu as quatre caméras, quoi, avec des mecs qui se filment. Et donc les mecs, ils sont chez eux tout seuls, quoi. D'accord. Donc, t'as zéro ambiance, en fait. C'est vrai que c'est Et il y assez a fini un voice d'avoir une acting team. assez mauvais avec des protagonistes qui jouent leur personnage youtubeur plutôt que leur personnage dans le jeu de rôle. Et Ouais, voilà, donc ça, c'est assez ouais, désagréable. je voulais même pas en parler, mais oui, ça après, effectivement, c'est non, C'est enfin, je veux encore dire, un autre débat. c'est un ancien bah, obèse, c'est en ça? fait, ah bah, celui, il y a que des youtubeurs connus, on va dire. D'accord. Parce que je vois pas forcément à qui Voilà. tu fais référence, mais ok. Alors, bon, on va balancer. Donc, tu as le joueur du grenier, tu as Bob Lennon, tu vois, Ah oui, d'accord, ok. t'as ces Ah gens-là. ouais. Oh mon Dieu, c'est Alors, imbuvable alors. si tu veux, quand il joue, bah, Bob Lennon joue Bob Lennon, en fait. Oh, Ça, c'est, moi, je suis désolé, mais lui, je oh peux pas. Hein. non, mais non, C'est non, vraiment c'est gênant. physique, là, il y a un truc, c'est pas possible. Donc, tu peux pas. Et donc, si tu veux, tu te rends compte que le produit, en fait, c'est un produit de fan, en fait, parce que les fans adorent voir ce genre de truc. C'est une autre forme d'exécution d'émissions qu'ils peuvent avoir. Et donc, désolé, ça ne marche que parce que c'est ces personnages-là. Je veux dire, c'est comme si tu disais, bah, je vais faire un jeu de rôle avec Squeezie. Tu peux être sûr que les gens vont venir. Non pas parce que c'est super intéressant de regarder un jeu de rôle, mais c'est surtout parce qu'il y a Squeezie dedans. Exactement. D'accord. Et donc, voilà. Et donc, de ça, en plus de ça, le fait que tu sois online, ben, en fait, pour moi, ça casse toute l'ambiance. Le maître du jeu, c'est une horreur parce que fatalement, tu les vois à travers un écran de PC, quoi. Donc, pour caler une ambiance, c'est quand même Ah compliqué. oui, non, j'avoue, c'est pas le oui. C'est pas le Et setup, quoi. le point négatif qu'ont les deux français, mais que n'ont pas les Tactical Role, c'est la bande son. Étant donné que fatalement, quand tu veux faire poser une ambiance, parce que c'est quand même compliqué d'avoir que des gens qui parlent, tu essaies de poser une ambiance. Je donne un exemple, les personnages rentrent dans une grotte et ils savent pas trop ce qui va se passer. Ils entendent un espèce de souffle rauque, en fait, au fond de la caverne. Donc, si tu veux, si tu dis ça comme ça, ok, c'est intéressant. Quand tu commences à sortir ta bande originale du Seigneur des Anneaux, de Skyrim, pas de n'importe quel Oui, bah Elder oui, Scroll, j'avoue, Pillar of forcément. Eternity, si tu veux, ça te met déjà une ambiance un peu supérieure. Là, au Critical Role, étant donné que ben, c'est Mike Mercer, la plupart, faut savoir que Bethesda leur a dit notre OST est à votre entière disposition, faites-en ce que vous voulez. Les gens de Pillars, bien évidemment, ils l'ont dit, mais elle est vôtre, faites-en ce que vous en voulez. Donc, si tu veux, les gars font un truc absolument incroyable. Après, c'est pas les mêmes moyens. Je crois que de mémoire, ils avaient 18 caméras. Ils ont un truc comme une vingtaine de micros pour la prise de son. Chaque fois qu'il y a un combat, si tu veux, pour que les gens voient comment on se situe, il y a un mec qui leur fait des décors complets avec les petits personnages en figurine pour qu'ils puissent les Bien. poser, se déplacer, etc. Bien évidemment que les moyens sont pas les mêmes. Je pense que si jamais les gens vont critiquer ce que je raconte, ils vont me dire oui. Mais tu peux pas comparer, c'est pas du tout les mêmes types de moyens. Je leur répondrai oui, mais dans ce cas-là, tu te Hello, lances all pas you dans une wonderful aventure comme people. ça. C'est-à-dire, si t'as pas les moyens de faire un truc qui tient la route et que tu es là pour faire un truc à demi intéressant et sans aucun moyen, bah dans ce cas-là, joue avec tes potes chez toi et te filme pas, ça sert à rien en fait. Oui, non, mais Surtout quand t'es des gens connus comme ça en fait. c'est la même chose que les streamers lambda qui pensent que parce qu'ils stream, les voir jouer une partie normale d'un jeu X ou Y, ça va intéresser des gens, C'est quoi. super Enfin, intéressant. exactement. voilà. Ouais, je pense que c'est exactement la même chose. Ouais. C'est exactement le même truc. Et bon, voilà. Donc, Bon, au j'étais moins ils ont un peu voilà, acerbe. ils ont au moins l'initiative de le faire, tu vois. Après, personne, j'avais jamais entendu parler de ce genre de truc, donc c'est Alors, je ça. sais que tout ce qui est JR du grenier, etc., ça marche plutôt bien en termes de vue, je pense. L'autre que je nommerai pas, je sais pas si ça tombe si bien que ça. Ok. Non, mais en tout cas, c'est. Donc voilà un petit peu. Ah, c'est Critical Role. Hein. Voilà, si vous avez jamais regardé, regardez Critical Role. Je vais essayer de regarder en même temps que je vous parle si la saison 1 de Critical Role n'est pas déjà intégralement sous-titrée en français. Parce que c'est ce qui pourrait être plutôt, plutôt sympathique. Mais voilà, donc, mais vous pouvez y aller sans aucune hésitation possible. C'est vraiment de l'excellente qualité. Là, je suis en train d'essayer de regarder en même temps les sous-titres. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est plutôt sous-titré en anglais. C'est qu'à partir de la saison 2 suivante. Ok. Bah écoute, ouais, non, de toute façon, on mettra le lien de la chaîne dans la description de la vidéo YouTube du podcast. Parce que même moi, je vais en regarder une. Ça me dit bien de voir. En plus, si c'est des gens Après, je vous dis juste, faites attention, les vidéos, c'est 4h30. Hein. Ah ouais ? Ah ouais ! C'est qu'ils n'ont pas découpé, ils ne se sont pas fait chier. Wow. De toute façon, comme ils ont dit au début, ils n'étaient pas là au départ pour faire des vues ou des trucs dans le genre. Donc, ils se sont dit, bah, en fait, on pose un épisode et puis après, bah, vous le regardez comme vous voulez. Juste pour que vous ayez quand même bien une idée, un épisode de Critical Role, c'est 1 million de vues sur YouTube hein, par épisode. Oh putain ! Minimum, donc... C'est 118 millions de vues, d'accord. Voilà. Okay. Leur compte, je crois qu'ils ont... Alors, en fait, si vous allez sur YouTube, vous allez voir Critical Role, qui a 150 000 abonnés. Ça, en fait, c'est là vraiment... c'était la version de base. En fait, ils ont été hostés derrière une grosse structure américaine qui s'appelle Geek & Sundry, qui, elle, est presque à 2 millions d'abonnés. Donc, ah ouais, ça les a énormément boostés. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Geek & Sundry, allez le voir. Ils ont quand même des trucs hyper intéressants. C'est tout ce qui est culture geek américaine. Et pour Sylvan, ils ont aussi une émission hebdomadaire sur Magic. Avec bah, tous les meilleurs champions du monde qui viennent expliquer un petit peu les méta, les choses comme ça. Très bien. Okay. Ça s'appelle Spellstingers. Ouais, c'est nice. Franchement, c'est ouais, ça donne envie en tout cas. Enfin, si les mecs ils sont bons, puis même pour découvrir le jeu de rôle en général. Parce que c'est vrai que moi j'ai déjà fait des tours dans des boutiques spécialisées pour acheter mes cartes Magic quand j'étais jeune, tout ça. Et tu voyais masse de bouquins partout là, avec vraiment des couvertures magnifiques. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a toujours fait envie. Mais bon, il y a des trucs. Voilà, on fait pas. Mais on peut pas tout le temps tout faire. Mais bon, non, voilà. Mais donc. Donc je vous conseille d'aller le voir. Si vous êtes vous-même maître du jeu et que vous voulez un petit peu travailler cette partie du rôle qui est important, Matt Mercer, pareil sur Geek & Sundry, en fait, a fait une vingtaine, enfin 55 vidéos, je vois, où il vous explique tout, comment bien animer une partie. Il vous explique comment gérer la mort d'un personnage. Vous savez que les personnages, en fait, sont des personnages lambda. Ils peuvent mourir. Et donc, quand ils sont morts, ils sont morts. Donc, il faut les remplacer par d'autres personnes. Ouais. Et quand vous avez joué pendant typiquement 1 an et demi ce personnage-là, vous avez certains attachements auprès de lui. Oh, la haine. Et ouais. Donc, quand le personnage meurt, émotionnellement, c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer. Et là, donc, il vous explique un petit peu tous ces trucs-là. Il y a 55 vidéos. Vraiment, vraiment, vraiment bien, bien, bien. Vous pouvez y aller avec grand plaisir. Et bon, c'est des mecs en plus qui sont des mecs bien. Grosso modo, je vois sur leur compte Twitter, etc. Ils font toutes les conventions pour essayer d'aller auprès des gens, pour discuter avec eux, etc. Donc c'est plutôt, ouais, plutôt c'est pas, des bons gars. C'est pas des mecs qui propagent la haine comme moi, quoi. C'est bien. Non, voilà. Pourtant, c'est nous les meilleurs, dans le fond. Oui. Toujours. Non, toujours. En tout cas, ouais, juste pour terminer, Matt Mercer, c'est aussi la voix de Hit dans Dragon Ball Super, la voix américaine. Ah ouais, ok. Ouais. Pas mal. Nice. Pas mal. Perso du charisme en plus. Hein. Ils sont rares dans les derniers Dragon Ball. Les doubleurs américains puent la merde sur Dragon Ball. Mais après... Et, là, de... Et du coup, c'est lui. C'est... Ouais. Je suis d'accord, ça pue un peu. Ah, moi, je pardonnerai jamais le doubleur de Piccolo. Hein. Plus jamais. Hein. C'est un moulin mort gravé dans l'arbre. Et pour Vincent qui aime déjà plus, dans Injustice 2, c'est lui la voix de Deadshot. Ah ouais, ok, d'accord, nice. Eh ben écoute, non, mais très, franchement, très bien, très bien. Bah écoutez, c'est parfait, on arrive quasiment à une heure, bah, j'ai pas eu le temps de parler de mon truc, du coup, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois, la ça prochaine m'arrange fois. Quelque part. non, mais en tout cas, c'est bien, franchement, ce sujet était vachement intéressant. Intéressant. Voilà, même pour ceux qui veulent s'y plonger un petit peu, enfin, c'est même à regarder comme ça, juste pour la culture générale et par curiosité. Ça peut être très sympa, même si évidemment on va peut-être pas se taper les 4h30 d'émission. Non, quoique, enfin, si voilà, t'es pris dans le truc aussi, ça peut arriver. Ouais, mais, ça dépend si c'est bien amené et que t'es à fond dedans. Ouais, tu vois pas les 4 heures passer, mais je pense que c'est peut-être pour un premier coup à prendre par parcimonie, tu vois. Ouais, ouais. On verra. En tout cas, non, vachement bonne initiative, en effet. Bon, bah écoutez, les amis, on va s'arrêter là. Ça a été encore une fois très rapide. On voit pas le temps passer quand on discute et c'est difficile de tout caser à chaque fois. Mais bon, on va pas faire des podcasts de 2 heures. Nous non plus, les gens n'ont pas forcément le temps. Donc on va vous remercier tous, hein, ceux qui continuent à écouter ce podcast de mois en mois. Nous, ça nous fait toujours autant plaisir de le faire pour vous. Donc voilà, merci de nous écouter et de partager, c'est toujours agréable. Et puis du coup, bah, on se retrouve, ce sera le 1er octobre normalement. Bon, vous l'avez compris, pour les numéros spéciaux, on va en faire d'autres aussi. Sauf que là, il n'y a pas de planning qui est défini. On avait parlé d'un sujet qu'on va faire prochainement aussi, une autre saga de film. Je ne sais pas trop quand. On va en parler dans l'arrière-cuisine, mais ça va se faire également. Voilà. Eh ben, écoutez, merci à tous, Jean Tedame et Jean Damoiseau. Merci Kylvan, exactement. Merci Chapi et merci May. Et puis merci à tous, on se retrouve le mois prochain. Salut. Un bisou. Salut. Des bisous à la prochaine.